insolite ou insolente, tu joues la belle qui s'en fout. Et pourtant, du fond de tes yeux noirs, ton sang-froid vient faire son chaud dans mes veines. Tu joues la même histoire, quatre fois par semaine. Et si la nuit ne vient pas, si la vie ne suffit pas, je resterai tout près jusqu'au dernier regret. Je voudrais m'endormir avec toi. Qui tombe le long de ton cou à l'épaule. Moi qui flanche comme une flèche dans le feu de nos genoux qui se frôlent. Du fond de tes yeux noirs, mon sang froid vient faire son chaud dans tes veines. On se raconte des histoires quatre fois par semaine. Resterai tout près jusqu'au terme.